L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut impressionné par la fidélité et l'esprit de sacrifice que ses compagnons montraient à cet instant critique. Il leur dit alors « En avant, et réjouissez-vous, car Allah m'a promis l'une des deux troupes, la caravane ou l'armée mécoise, et par Allah, c'est comme si je voyais l'ennemi étendu à terre et prostré. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, et son compagnon Abu Bakr menèrent une mission de reconnaissance dans les environs immédiats de Badr, parvenant ainsi à localiser le camp des Quraishites. Ils rencontrèrent un bédouin âgé qui les renseigna sur l'endroit exact où campait l'armée des polythéistes. Le soir même, Muhammad alayhi salatu wassalam envoya trois responsables des Muhajirun, à savoir Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam et Sa'd ibn Abi Waqqas afin d'obtenir des nouvelles de l'ennemi. Ils virent deux hommes qui prenaient de l'eau pour l'armée mécoise. Ils les capturèrent et les conduisirent auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Le trouvant en train de faire la prière, ils commencèrent à les interroger. Les deux hommes déclarèrent qu'ils accompagnaient l'armée de Quraysh, mais cette réponse ne leur plut pas, car ils espéraient toujours intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Ils leur donnèrent des coups si douloureux qu'ils finirent par dire qu'ils faisaient partie de la caravane conduite par Abu Sufyan. C'est seulement à ce moment qu'ils les laissèrent tranquilles. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut mécontent du comportement de ces hommes et leur fit des reproches en disant « Vous les avez frappés alors qu'ils disaient la vérité, mais lorsqu'ils vous ont menti, vous les avez laissés tranquilles. Par Allah, ils ont dit la vérité, ils appartiennent à Quraysh. » Puis s'adressant aux deux hommes, il dit « Où se trouvent les Quraishites ?» Ils dirent « Ils sont derrière cette dune, sur le versant le plus éloigné. » Il demanda « Combien sont-ils ?» Ils dirent « Ils sont nombreux. » « Combien, leur demanda-t-il alors, égorgent-ils de chameaux par jour ?» Ils dirent « Certains jours, ils en abattent 9 et d'autres jours, ils en abattent 10. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, en conclut qu'ils étaient entre 900 et 1000 hommes. Il les interrogea ensuite pour connaître l'identité des notables qui s'étaient déplacés avec l'armée. Ils citèrent alors notamment les noms suivants. Utba et Shayba ibn Rabi'a, Abul Bukhtari ibn Hisham, Hakim ibn Hizam, Nawfal ibn Khuwaylid, Al-Harith ibn Amir, Tu'ayma ibn Adi, Al-Nadr ibn al-Harith, Zam'a ibn al-Aswad, Abu Jahl ibn Hisham et Umayya ibn Khalaf. Entendant ces noms, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tourna vers les musulmans en disant « La Mecque vous a envoyé les meilleurs morceaux de son foie. » La nuit même, il plut sur les deux camps. Cette averse freina la progression des polythéistes, tandis que cela représenta une bénédiction pour les musulmans puisqu'elle les purifia des souillures de Satan. Allah envoya cette pluie afin de raffermir les cœurs des croyants et de rendre le sol qu'ils foulaient de leurs pieds plus ferme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonnant l'établissement du campement à l'extrémité de la vallée, près de la source la plus proche de Badr, Al-Hubab ibn al-Mundhir lui demanda « Ô messager d'Allah, Allah t'a-t-il inspiré de camper ici? Si c'est le cas, nous ne pourrions ni avancer ni reculer. Où est-ce ton propre avis, ton plan de guerre, ton stratagème ?» Lui répondant qu'il n'avait reçu aucune directive quant au lieu où il convenait de camper, Al-Hubab proposa au prophète, alayhi salatu wassalam, d'aller s'installer à proximité du puits le plus proche des Quraishites et de se constituer une réserve d'eau, puis de combler tous les autres puits afin de priver d'eau les mécréants lors du combat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, approuva son plan. Sa'd ibn Mu'ad suggéra qu'un centre de commandement soit construit pour le prophète, alayhi salatu wassalam, afin de parer à toute éventualité. « Ô prophète d'Allah, dit-il, « permets-tu que nous te construisions un abri et que nous mettions à ta disposition ta monture? Si Allah nous accorde la victoire sur l'ennemi, cela sera conforme à nos souhaits. Mais si la défaite est notre lot, tu pourras alors prendre ta monture et rejoindre à Médine ceux de notre peuple qui sont restés derrière nous. Certes, il est resté à Médine des gens qui autant que nous t'aiment, et s'ils savaient que tu allais au devant de la guerre, ils ne seraient jamais restés à Médine. Par leur biais, Allah te protégera. » Ils ne manqueront pas de te donner le bon conseil et de combattre à tes côtés pour la cause d'Allah. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, le loua et invoqua Allah en sa faveur. Les musulmans bâtirent un abri sur une colline se situant au nord-est du champ de bataille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pouvait depuis cet emplacement suivre le déroulement du combat. Des gardes placés sous l'autorité du même homme, Sa'd ibn Mu'adh, furent choisis parmi les Ansar afin de protéger le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son quartier général. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mobilisa son armée et foulant le champ de bataille, il indiqua à ses compagnons le lieu exact où allaient trouver la mort le lendemain les notables de Quraysh. Après cela, il consacra toute la nuit à prier et invoquer Allah. L'armée musulmane s'abandonna au sommeil, toute confiante en Allah et espérant voir se concrétiser le lendemain sa promesse. Allah dit, selon le sens du verset, « Et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas, vos pas. » C'était la nuit du vendredi 17 du mois de Ramadan de la deuxième année de l'Hégire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait quitté Médine le 8 ou le 12 du même mois. Les Quraychites, de leur côté, avaient passé la nuit sur le versant le plus éloigné. Le matin, leurs bataillons dévalèrent la dune vers la vallée de Badr. Quelques-uns d'entre eux s'approchèrent par provocation dans le but de s'abreuver à l'eau du bassin réservé au prophète, alayhi salatu wassalam. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, ordonna aux musulmans de ne pas les attaquer. Tous ceux qui s'y désaltérèrent trouvèrent la mort lors de la bataille, hormis Hakim ibn Hizam. Il devint plus tard un bon musulman et lorsqu'il formulait un serment, il disait « Par celui qui m'a sauvé le jour de Badr ». Omer ibn Wahb al-Jumahi, dans l'intention d'estimer la puissance des musulmans, tourna autour de l'armée musulmane et rapporta qu'elle était composée d'environ 300 hommes. Il partit examiner les alentours de la vallée de Badr pour s'assurer que les musulmans ne leur avaient pas tendu quelques pièges ou ne recevaient pas des renforts. De retour, il dit aux Quraychites « Je n'ai rien remarqué de suspect, mais j'ai vu les chamelles portant le trépas, les bêtes de somme de Yathrib qui d'habitude portent l'eau pour arroser les terres, véhiculant la mort foudroyante. Des gens qui n'ont de protection, si ce n'est leurs épées. Par Allah, l'un d'eux ne mourra qu'après avoir tué l'un de vous. Or, si le nombre de victimes parmi vous équivaut au leur, quel goût aurait alors la vie? Arrêtez votre opposition, ô gens de Quraysh. » S'élevèrent alors, au sein de l'armée mécoise, des voix contestant le choix de la guerre et exhortant les Mécois à rentrer à la Mecque sans engager de combat. Hakim ibn Hizam s'adressa à Utba ibn Rabi'a en ces termes. « Ô Abul Walid, tu es le doyen, le maître obéi de Quraysh. T'indiquerai-je une bonne action qui rendrait ton souvenir inoubliable? Quoi donc, ô Hakim ?» demanda Utba ibn Rabi'a. Incite les gens à revenir chez eux et paye le prix du sang de ton allié Amr ibn al-Hadrami qui fut tué à Nakhla par les musulmans. Utba accepta et recommanda à Hakim d'aller parler à Abu Jahl, la seule personne qui pouvait susciter le désaccord au sein des Mécois. Utba ibn Rabi'a tint alors devant les Quraychites les propos suivants. « Ô gens de Quraysh, par Allah, vous ne gagnerez rien à combattre Muhammad et ses compagnons. Par Allah, si vous les tuez, le regard de l'un d'entre vous croisera toujours celui d'un homme qu'il n'aimera pas voir, car ayant tué son cousin ou un homme de sa tribu. Retournez chez vous et laissez Muhammad faire face aux autres Arabes. Si ceux-ci vous en débarrassent, vous aurez atteint votre but, sinon il s'apercevra que vous ne vous êtes pas opposé à lui. » De son côté, Hakim ibn Hizam arriva auprès d'Abu Jahl qui préparait sa cuirasse. Il le mit au courant de la volonté de Utba ibn Rabi'a de payer le prix du sang de Amr ibn al-Hadrami, ce à quoi Abu Jahl répondit « Par Allah, la lâcheté envahit son cœur en voyant Muhammad et ses compagnons. Non, par Allah, nous ne reviendrons pas chez nous avant qu'Allah n'ait jugé entre nous et Muhammad. Quant à Utba, il craint en vérité pour la vie de son fils musulman. » Lorsque Utba ibn Rabi'a entendit dire qu'Abu Jahl l'avait qualifié de couar, il dit « L'on saura bientôt qui de nous deux a peur. » Craignant que l'opposition ne devint de plus en plus grande, Abu Jahl convainquit Amir, frère de Amr ibn al-Hadrami, de réclamer vengeance. La proposition et les propos de Utba furent aussitôt oubliés, la frivolité prenant le dessus sur la sagesse. Lorsque les deux armées se rapprochèrent suffisamment pour s'apercevoir mutuellement, le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit à supplier Allah. « Ô mon Dieu, les Quraychites hautains et vaniteux sont là, te défiant et traitant de menteur ton messager. Ô mon Dieu, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Je t'implore, ô mon Dieu, pour que tu leur apportes la défaite. » Ayant vu Utba ibn Rabi'a parmi les Quraychites montant un chameau rouge, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « S'il y a quelque bien en l'un d'entre eux, cela ne peut être que l'homme au chameau rouge. S'ils lui obéissent, ils suivront la bonne direction. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, disposa son armée en ordre de bataille. Lorsqu'il arriva près de Sawad, Ibn Raziyya, il le piqua légèrement au ventre d'une flèche qu'il tenait dans sa main parce que Sawad était sorti du rang. Sawad dit alors, « Ô messager d'Allah, tu m'as fait mal, c'est pourquoi je te demande réparation. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, découvrit son ventre et lui dit, « Prends ta revanche. » Sawad imprima alors un baiser sur le ventre du prophète, alayhi salatu wassalam, et lorsque celui-ci lui demanda l'explication de son geste, il dit, « Ô envoyé d'Allah, nous sommes confrontés à ce que tu vois, et j'ai voulu que ma peau touche à la tienne en guise d'ultime contact entre toi et moi. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, invoqua Allah en sa faveur. Les rangées des combattants musulmans en ordre de bataille, le prophète, alayhi salatu wassalam, enjoignit à ses hommes de ne pas engager le combat tant qu'il n'en aurait pas donné l'ordre. Il leur recommanda d'utiliser leurs flèches avec parcimonie et de ne pas tirer leurs épées de leur fourreau tant que l'ennemi ne se serait pas rapproché davantage. Ensuite, il revint en compagnie d'Abu Bakr à l'abri que les musulmans lui avaient construit. Abu Jahl pria aussi pour la victoire en disant « Notre Seigneur, détruis demain celui des deux camps qui rompt les liens de parenté et qui apporte ce que nous ignorons. Ô mon Dieu, accorde ta victoire à celui que tu aimes et agrée. » C'est à ce propos qu'Allah révéla le verset suivant. « Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah. Et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. » Sourate 8, verset 19, selon le sens du verset. Le premier mécréant à avoir déclenché la confrontation et qui fut aussi la première victime de cette bataille fut Al-Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzoumi, un idolâtre brutal au mauvais tempérament. Il s'avança en jurant qu'il boirait dans le bassin des musulmans au péril de sa vie ou de celle de ses ennemis. Il engagea le combat avec Hamza ibn Abdul Muttalib, qui le frappa à la jambe avec son épée avant de lui asséner un autre coup qui lui fut fatal. Il mourut dans le bassin. La bataille se trouva ainsi engagée. Protégé par sa cuirasse, Utba ibn Rabi'a s'avança entre son frère Shayba et son fils Al-Walid ibn Utba depuis les lignes des Qurayshites, hurlant des malédictions à l'encontre des musulmans. Trois jeunes hommes des Ansar allèrent à leur rencontre, Auf et Mu'awaz ibn al-Harith et Abdullah ibn Rawaha. Voyant qu'ils étaient des Ansar, les Mekwa demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam de leur envoyer leurs semblables parmi les Muhajiroun. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda alors à Ubaïda ibn al-Harith, à Hamza et Ali, de s'avancer pour le combat. Les trois duels furent rapides. Hamza tua Shayba, tandis que Ali tua Al-Walid. Quant à Ubaïda, il fut grièvement blessé, mais il réussit à asséner un coup de sabre à Utba. Volant au secours de Ubaïda, Hamza et Ali tuèrent Utba et portèrent Ubaïda à l'arrière. Mais à cause de sa jambe coupée, il mourut 4 ou 5 jours plus tard, à As-Safra, sur le chemin de Médine. Ali fut profondément convaincu que les paroles suivantes d'Allah concernaient les trois duellistes musulmans et leurs adversaires. « Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim » Voici deux clans adverses qui se sont disputés à propos de leur Seigneur. Sourate 22, verset 19, selon le sens du verset. Ces duels furent suivis d'autres duels qui furent désastreux pour les polythéistes qui y perdirent des vies qu'ils considéraient comme très précieuses. Ceux-ci devinrent si exaspérés et enragés qu'ils se précipitèrent sur les musulmans dans le but de les exterminer une fois pour toutes. Ces derniers, suppliant leur seigneur et demandant son secours, réussirent à maintenir leur position en menant une guerre défensive qui fut couronnée de succès et permit d'infliger de lourdes pertes aux assaillants. Ils répétaient sans cesse « Unique, unique !» Le prophète, alayhi salatu wassalam, quant à lui, ne s'était pas arrêté depuis qu'il avait ordonné les rangs des combattants musulmans d'invoquer Allah et de lui demander la réalisation de sa promesse. Lorsque le combat atteignit son paroxysme, il supplia de nouveau Allah en disant « Ô mon Dieu, si ce groupe est vaincu aujourd'hui, alors tu ne seras plus adoré sur terre. » Il continua d'invoquer son Seigneur à voix haute, le visage tourné vers la Qibla et les mains tendues jusqu'à ce que son manteau lui tombât des épaules. Alors Abu Bakr vint ramasser le vêtement pour le remettre sur les épaules de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô envoyé d'Allah, tu as suffisamment appelé ton Seigneur. Il accomplira sans nul doute ce qu'il t'a promis. » La réponse d'Allah fut immédiate. Il fit descendre des cieux des anges qui assistèrent le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Il inspira à ses anges ces paroles révélées dans le noble Coran. « Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. » Sourate 8, verset 12 selon le sens du verset. Et Allah révéla à son envoyé, alayhi salatu wassalam, « Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. » Sourate 8, verset 9 selon le sens du verset. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son abri, s'assoupit un instant, puis il leva la tête en s'écriant plein de joie, « Oh Abu Bakr, réjouis-toi, voici Jibril au milieu d'une tempête de sable !» Dans la version d'Ibn Ishaq, nous lisons, « Oh Abu Bakr, réjouis-toi, le secours d'Allah t'est venu, j'aperçois Jibril sur sa jument au milieu d'une tempête de sable !» Il sortit ensuite de son abri s'écriant, « Leur multitude sera dispersée et ils battront en retraite !» Sourate 54, verset 45, selon le sens du verset. À la demande de Jibril, le prophète, alayhi salatu wassalam, saisit une poignée de poussière, fit face aux Quraishites et dit « Que vos visages soient confondus !» Pas un seul associateur ne fut épargné par cette poussière. À ce propos, Allah dit « Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. » Sourate 8, verset 17. Il formula à ce moment des ordres clairs afin que soit menée une contre-attaque. Il commandait l'armée, inspirant confiance à ses hommes et les exhortant à donner le meilleur d'eux-mêmes pour Allah en récitant ces versets. « Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate 3, verset 133, selon le sens du verset. L'esprit de ténacité qu'il parvint à insuffler chez ses hommes fut clairement mis en évidence par la valeur combative d'Al-Umair ibn al-Humam qui recracha des dattes qu'il était en train de manger et s'écria « Celles-ci, les dattes, me tiennent éloignés du paradis. » Et sur ce, il s'enfonça au cœur de la bataille et mourut en combattant bravement. Auf ibn al-Harith, appelé ibn Afra du nom de sa mère, dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô envoyé d'Allah, qu'est-ce qui chez le serviteur peut faire rire son Seigneur ?» Il répondit, « Que celui-ci se lance dans les rangs de l'ennemi sans cuirasse. » Il jeta de suite la sienne, prit son épée et combattit les Quraishites jusqu'à trouver la mort. Lorsque l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, donna l'ordre de contre-attaquer, les assauts de l'ennemi avaient perdu de leur vigueur et l'enthousiasme des associateurs avait tiédi, ce qui renforça la position des combattants musulmans. Ces derniers lancèrent alors une attaque qui balaya l'ennemi. Leur ardeur s'accrut en entendant l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Leur coalition sera vaincue et ils battront en retraite. » Sourate 54, verset 145, selon le sens du verset. Les recueils de hadith parlent de façon éloquente de l'aide surnaturelle que les musulmans reçurent ce jour-là sous la forme d'anges qui ont combattu à leur côté. Ibn Abbas a dit « Tandis qu'un des Ansar poursuivait un mécréant, il entendit au-dessus de lui le claquement d'un fouet et une voix qui disait « En avant, Heizoum !» et il s'aperçut que le polythéiste venait de s'effondrer. Ce Ansar vint trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui relata l'événement. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, répondit « Tu as dit la vérité. Il s'agissait d'un soutien provenant du troisième ciel. » Un autre Ansar captura Al-Abbas ibn Abdil Muttalib qui dit « Par Allah, ce n'est pas cet homme qui m'a capturé. J'ai été capturé par un homme chauve et au visage rayonnant de beauté. Il chevauchait un cheval aux pieds blancs jusqu'aux genoux. Je ne le vois pas ici parmi vous. » L'Ansar l'interrompit. « C'est moi qui l'ai fait prisonnier, ô messager d'Allah !» Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit « Calme-toi. Allah Tout-Puissant t'a envoyé en renfort un ange noble. » Satan, qui avait pris l'apparence de Suraqa ibn Malik ibn Juhsham al-Mudlaji, quitta rapidement le champ de bataille en voyant les anges s'abattre sur l'armée de Quraysh. Lorsque les polythéistes l'interpellèrent, « Pourquoi t'enfuis-tu, ô Suraqa? N'avais-tu pas déclaré que tu allais nous prendre sous ta protection et que tu allais demeurer à nos côtés ?» Il répondit, « Je vois ce que vous ne voyez point. Je crains Allah et Allah a le châtiment sévère. » Puis il s'enfuit en direction de la mer où il plongea. Les marques de la défaite et de la confusion apparurent chez les Quraishites. Leur rang ne résistait plus aux assauts violents conduits par les musulmans. La bataille touchait à sa fin et l'ennemi commençait à battre en retraite. C'est alors que les musulmans les suivirent, les achevant ou les capturant. Se rendant compte de l'issue fatale de la bataille, le grand tyran Abu Jahl tenta d'endiguer la vague déferlante consacrant la victoire musulmane en galvanisant les polythéistes, en les encourageant par tous les moyens possibles et en les adjurant par Al-Lat et Al-Uzza et par tous les symboles du paganisme de tenir ferme sur leur position pour se venger des musulmans. Mais ce fut en vain. Leur morale avait été réduite à néant et leur ligne était disloquée. Il commença alors à se rendre compte de la réalité de son arrogance et de son caractère hautain. Seul demeura autour de lui une poignée de polythéistes invétérés dont la résistance fut aussi étouffée par la contre-attaque musulmane. Abu Jahl fut abandonné et il se retrouva seul sur son cheval et ne tarda pas à mourir. Abdurrahman ibn Auf a rapporté « J'étais en plein dans la bataille lorsque deux jeunes, visiblement encore inexpérimentés dans l'art du combat, vinrent vers moi, l'un à ma droite et le second à ma gauche. L'un d'eux me demanda en chuchotant de lui montrer où était Abu Jahl. Je lui demandai alors ses intentions, ce à quoi il me répondit qu'ayant entendu qu'Abu Jahl avait insulté l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il désirait fortement le rencontrer au combat afin que l'un des deux tuât l'autre. Étonné, je me tournai vers la gauche et l'autre garçon exprima le même désir. J'agréai alors leur demande fervente et je pointai le doigt en direction de leur cible. Tous deux se ruèrent alors vers Abu Jahl et sans l'ombre d'une hésitation, ils le frappèrent simultanément avec leurs épées et l'achevèrent. Ils revinrent ensuite vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chacun prétendant l'avoir tué seul. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, leur demanda s'ils avaient essuyé le sang sur leurs épées et ils répondirent que non. Il examina donc les deux armes et leur assura que tous les deux avaient tué Abu Jahl. Lorsque la bataille prit fin, les objets personnels d'Abu Jahl furent donnés à l'un des deux, Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh, parce que l'autre, Mu'awadh ibn Afra, fut tué au cours de la bataille. Avant de quitter les lieux, le prophète alayhi salatu wassalam voulut voir la dépouille de l'ennemi juré de l'islam, Abu Jahl. Abdullah ibn Mas'ud le trouva agonisant. Il posa son pied sur son cou en s'adressant à lui ainsi. « As-tu vu comment Allah t'a couvert de honte ?» Toujours hautain, il répondit d'un ton défiant « Je ne suis pas déshonoré. Je ne suis rien de plus qu'un homme tué à la guerre par la main des siens. » Et puis il demanda « Qui a gagné cette bataille ?» Ibn Mas'ud répondit « Allah et son messager. » Abu Jahl dit alors à Ibn Mas'ud qui avait posé son pied sur son cou « Tu as réalisé une belle ascension, toi le petit gardien de moutons. » Ibn Mas'ud avait en effet été berger au service des aristocrates mécois. Ibn Mas'ud le décapita. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, récita alors l'invocation suivante. « Allah est grand. Louange à Allah qui a accompli sa promesse, donné la victoire à son serviteur et vaincu seul les coalisés. » Il vint ensuite jeter un regard sur la dépouille d'Abu Jahl et déclara « C'était le pharaon de cette communauté. »